ville, Rollyman course poursuite. Merde, faut que je me casse tout de suite. Pas l'hiberne, faut que je m'en sorte, certes. Merde, faut que je me concerte. Trouver un plan de suite pour ne pas mourir de la sorte. Phase 2 dans le tunnel, je vois une lueur sans monopunel. Une silhouette de Condéro d'Apos et face aux sentinelles. On l'aura mort ou vif, les gaz dispersent un gaz toxique. Les nerfs à vide comme Robert, tandis que le poulet est sexy. Devant une échelle que j'empreinte, sort du gouffre. La lueur du jour m'aveugle enfin sortie, puis je dis ouf. Promets pas bon signe comme Yamcha, j'ai l'œil qu'il faut que je file. Mais avant ça, trouver une cabine pour passer un coup de fil. Putain, j'ai mis son phone, merde. Allô? Allô, t'as l'air trop essoufflé, donc laisse-moi continuer ton deuxième couplet. Pas de problème, si merde. De rien ne me dis rien, j'ai tout pigé. Je vais voir écrit sur du marbre. CJ, les RG, multiplie les figies. En espérant te voir émerger, c'est la merde. Déposer des provisions au cul. J'ai pas le temps de trop parler, désolé, j'ai toute la ville au cul. J'comprends alors des camps, prends la poudre des scamps. Sans plus attendre, instru fin de ma descente. Assis fait tourner le sang. J'suis le running man course poursuite. Merde, faut que je me casse tout de suite. Pas l'hiberne, faut que je m'en sorte, certes. Merde, faut que je me concerte. Trouver un plan de speed pour ne pas mourir de la sorte. Partie 3, chapitre final, le jeu se corse, la course est dense douce. Et le son de ma voix, ils ne mourront jamais tous. Dirige vers un bar à chispé, pose mon ispat sur mon bonnet, mais sur ma tête. Tandis que les flics.